Moi j'ai faim, j'aimerais manger. Le frigo est dévalisé. Putain, y'a plus rien à bouffer. Pour toi, plaisir rime avec rire. C'est moi qui ai tout mangé. Et le McDo, bah, c'est la vraie vie. T'es vraiment une grosse truite violette. Mais t'es obèse. Mais j'avais faim. Et ça me pèse. Ça te dirait pas de faire du sport, non? Même le chat crisse. Après manger, tu bouffes ses frisquises. Je suis le Titanic, t'es mon iceberg. Minou, minou, minou. Je touche ta peau, c'est dingue comme elle baigne. Laisse le chat tranquille. Ça me dégoûte d'essuyer ta bave. Il a pas fini sa gamelle. À chaque fois qu'on s'assoit à table. Et puis ça repart. Merde, tu voles ma main. Clochard et merde. Te voir courir, c'est affreux. Ouais, respecte un peu nos yeux. Tu passes pas par la porte du car à la piscine, même dans le. Que ton cul, tu fais une bombe, c'est pire qu'un obus. Sauver Willy, Carlos et ses amis. Quand t'es au cinéma, le gars derrière toi. Mars et puis ça repart. Merde, tu te coinces dans la baignoire. Et merde, tu fonces, et l'heure du goûter. Et jamais rien ne peut te caler. Mars et puis ça repart. Merde, tu manges même des espoirs. Et merde, maintenant je crois plus en rien. Et je me coince, j'en ai besoin.